Donc alors, je vous présente le seul et unique agent de sa milice privée, Billy, ouais, le seul membre de la Billy Brigade. Billy, Billy. Dans la Billy Brigade, on boit de la limonade. Dans la Billy Brigade, on est toute une escouade. Dans la Billy Brigade, y'a pas de dollars, on s'évade. Dans la Billy Brigade, on tape pas dans la ratonnade. Dans la Billy Brigade, dans la Billy Brigade, dans la Billy Brigade, dans la Billy, dans la Billy Brigade, dans la Billy, dans la Billy Brigade, on boit de la limonade. Dans la Billy Brigade, on est toute une escouade. Dans la Billy Brigade, y'a pas de dollar, on s'évade. Dans la Billy Brigade, on tape pas. Dans la Billy Brigade, on boit de la limonade. Dans la Billy Brigade, on est toute une escouade. Dans la Billy Brigade, y'a pas de dollar, on s'évade. Dans la Billy Brigade, on tape pas. Mais quelle bande d'arnaqueurs dans ce groupe, quoi. Ils sont toujours en train de négocier le bout de gras, c'est quand même quelque chose, quoi, quand même. Putain. D'accord. C'est pas tout de suite. Donc voilà, alors on revient à la chanson précédente. Il fait beau, il fait chaud, c'est une contrepétrie, mademoiselle. Oui, elle a suivi. On peut dire qu'elle a pas une mémoire de poisson rouge, hein, celle-là. Donc alors, oui, on avait fait une petite chanson il y a 2 ans, en hommage à nos chers disparus. Ça s'appelait Canicule, et elle revient, elle est toujours plus d'actualité que jamais.